Le jour se leva sur un dimanche de gel et de brume, de gel et de brume, de gel et de brume, et l'eau montait toujours. J'arrive suspect comme ce collègue un peu trop festif. Passe à table car la vengeance est un plat comestible. Je suis à peu près la même personne au taf ou entre amis. J'ai des convictions, ils ont des mantras vides. Faut que t'arrêtes de brasser de l'air comme un ventilateur. Ou comme ta grosse qu'investit dans la marque Dyson. Punch sur punch, hey, l'apprenti rappeur. La vie c'est pas un combat, Jake Paul contre Mike Tyson. Check l'exercice de style, j'verse dans ma vie dusty. J'porte une croix dans le dos et fous la merde dans un style justice. Ce texte un mauvais plan dans un silence curieux. Donc je te souris avec la grâce d'un dimanche pluvieux. Putain je déteste m'enfuir, mais quand ces mecs me testent en ville, mon instinct dit qu'il faut que je reste en vie. On est d'accord, je rage, je reste tranquille. Bah ouais la mort se loge près du cœur ou dans un couteau planqué sous une veste en cuir. Le président s'en tape, ouais c'est indécent. Si on t'en donne 200, vas-y vends-lui 1000. T'es pas content, rien à foutre, ça vient du 38 000. Grosse carotte du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Le président s'en tape, ouais c'est indécent. Si on t'en donne 200, vas-y vends-lui 1000. T'es pas content, rien à foutre, ça vient du 38 000. Grosse carotte du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Passer des heures sur la toile pour créer du lien, c'est comme lui faire du mal parce qu'on lui veut du bien. La vie ne devient jamais plus simple, c'est nous qui devenons plus forts. Ok, mais respect monsieur Julien. Démons et anges bavards, n'en est pas le cafard. Je mets tout mon poids sur l'insecte, je crois que je mets le doigt sur un thème. Apparemment, on est tous les gosses de Dieu, mais y'a plus personne quand il faut faire une croix sur l'inceste. J'attends rien en retour, c'est la droiture d'un geste. J'ai trop de plumes comme la coiffure d'un chef. Tu rêves d'avoir la voiture d'un tel. On a la chance contente, moi je me contente d'avoir un toit sur la tête. Moi je voulais laisser une empreinte, mais pas juste une trace de doigt dans la poussière sous le lit. Tu m'as laissé des blessures sans crainte. Je te garde une place de choix dans mes plus chers souvenirs. Le président s'en tape, ouais c'est indécent. Si on t'en donne 200, vas-y vends-lui 1000. T'es pas content, rien à foutre, ça vient du 38 000. Grosse carotte du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Je suis président, je m'en tape, ouais c'est indécent. Si on t'en donne 200, vas-y vends-lui 1000. T'es pas content, rien à foutre, ça vient du 38 000. Grosse carotte du 1er janvier jusqu'au 31 décembre.